bien intentionné. Bien intentionné à mon endroit. Et déjà, ça soulève une montagne de problèmes. Qu'est-ce qui peut bien faire que des gens soient bien intentionnés à mon endroit? C'est qu'ils ne me connaissent pas. Car quant à moi, je ne suis pas plein de bonnes intentions. Enfin, c'est bien intentionné, m'ont quelquefois écrit des lettres tendant. Enfin, c'était écrit que mon bafouillage de la dernière fois concernant le discours que j'appelle analytique était un lapsus. Ils ont écrit ça textuellement. Qu'est-ce qui distingue le lapsus de l'erreur grossière? J'ai d'autant plus tendance, quant à moi, classer comme erreur ce qu'on leur qualifie lapsus, que quand même ce discours analytique j'en avais un tant soit peu parlé. Quand je parle, je m'imagine que je dis quelque chose. L'ennuyeux, c'est que là où j'ai fait lapsus, où je suis censé avoir fait lapsus, c'est en matière, si je puis dire, en matière d'écrit que j'ai fait lapsus. Ça prend une particulière importance quand il s'agit d'écrit, par quelqu'un, moi en l'occasion, par quelqu'un trouvé. Autrefois, il m'est arrivé de dire, à l'imitation d'ailleurs de quelqu'un qui était un peintre célèbre, je ne cherche pas, je trouve. Au point où j'en suis, je ne trouve pas tant que je ne cherche. Autrement dit, je tourne en rond. Et c'est bien ce qui s'est produit à propos de ce que... lapsus. C'est que... les lettres écrites n'étaient pas dans leur bon sens, dans le sens où elles tournent, mais étaient embrouillées. Il faut quand même bien dire que je n'ai pas fait ce lapsus tout à fait sans raison. Je veux dire que l'ordre dans lequel les lettres tournaient je l'ai certes imaginé, mais je crois tout au moins savoir ce que je voulais dire. Je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer quoi. Je suis encouragé par l'audition que j'ai reçue hier soir à l'école freudienne. D'une madame Kress Rosen, je ne vais pas lui demander de se lever, encore que je la vois fort bien. Je me suis même tout à fait inquiété de savoir si... elle était là parmi ce qu'on appelle des auditrices et je vois pas pourquoi je mettrais ce terme au féminin puisque ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens valable. Madame Kress Rosen a eu la bonté de dire hier soir presque ce que je voulais dire à une personne qui, dont il est d'ailleurs une question que je la rencontre, puisque c'est une personne à qui j'ai demandé de téléphoner chez moi et qui ne l'a pas fait. C'est quelqu'un qui fait partie de la radio allemande, je ne sais pas son nom à la vérité, mais elle m'a demandé, paraît-il, sur l'avis de Robin Jacobson de répondre quelque chose sur ce qu'il concerne. Mon premier sentiment était de dire que ce que j'appelle la linguisterie, Madame Kress Rosen a fait un sort à cette appellation, que ce que j'appelle la linguisterie exige la psychanalyse pour être soutenue. J'ajouterai qu'il n'y a pas d'autre linguistique que ce que j'appelle linguisterie. Ce qui ne veut pas dire que la psychanalyse soit toute la linguistique, l'événement le prouve, c'est à savoir que qu'on fait de la linguistique depuis très longtemps, depuis le Cratil, depuis Donna, depuis Priscien, qu'on en a toujours fait. Et ceci, d'ailleurs, n'arrange rien, puisque je tendais à dire la dernière fois, je me suis aperçu à propos de ce S1 et de cet S2 qui sont séparés dans la notation correcte. La notation correcte de ce que j'ai appelé discours psychanalytique. Je pense que, malgré tout, vous vous êtes un peu informé auprès des Belges et que le fait que j'ai parlé de la psychanalyse comme de pouvant être une escroquerie est parvenu à vos oreilles. Je dirais même que j'y insistais en parlant de ce S1 et qui paraît promettre un S2. Il faut quand même, à ce moment-là, se souvenir de ce que j'ai dit concernant le sujet. C'est à savoir le rapport de cet S1 avec cet S2. J'ai dit, dans son temps, qu'insignifiant était ce qui représente le sujet auprès d'un autre signifiant. Alors, quoi en déduire? Je vais quand même un peu vous donner une indication, ne serait-ce que pour éclairer ma route, parce que elle ne va pas de soi. La psychanalyse est peut-être une escroquerie, mais ça n'est pas n'importe laquelle. C'est une escroquerie qui tombe juste par rapport à ce qu'est le signifiant. Et le signifiant, il faut quand même bien remarqué. Qu'il est quelque chose de bien spécial. Il a ce qu'on appelle des effets de sens. Et il suffirait que je connote le S2, non pas d'être le second dans le temps, mais d'avoir un sens double. Pour que le S1 prenne sa place et sa place correctement. Il faut quand même dire que le poids de cette duplicité de sens est commun à tout signifiant. Je pense que Madame Kress-Rosen ne me contredira pas si elle veut s'y opposer d'une façon quelconque. Elle est tout à fait libre de me faire signe, puisque, je le répète, je me félicite qu'elle soit là. La psychanalyse n'est pas, je dirais, plus une escroquerie que la poésie elle-même. Et la poésie se fonde précisément sur cette ambiguïté dont je parle et que je qualifie du sens double. La poésie paraît quand même relever de la relation du signifiant au signifié. On peut dire d'une certaine façon que la poésie est imaginairement symbolique. Je veux dire que, puisque Madame Kress-Rosen hier a évoqué Saussure et sa distinction de la langue et de la parole, non d'ailleurs sans noter que quant à cette distinction, Saussure avait flotté. Il reste quand même que son départ à savoir que la langue est le fruit d'une maturation, d'un mûrissement de quelque chose qui se cristallise dans l'usage, il reste que la poésie relève d'une violence faite à cet usage. Et que nous en avons des preuves, si j'ai évoqué la dernière fois Dante et la poésie amoureuse, c'est bien pour marquer cette violence que la philosophie fait tout pour effacer. C'est bien en quoi la philosophie est le champ d'essai de l'escroquerie. Et en quoi on ne peut pas dire que la poésie n'y joue pas à sa façon, innocemment, ce que j'ai appelé à l'instant, ce que j'ai connoté de l'imaginairement symbolique. Ça s'appelle la vérité. Ça s'appelle la vérité, notamment concernant le rapport sexuel, c'est à savoir que, comme je le dis, peut-être le premier, je ne vois pas pourquoi je m'en ferai un titre, le rapport sexuel, il n'y en a pas, je veux dire, à proprement parler. Au sens où il y aurait quelque chose qui ferait que qu'un homme reconnaîtrait forcément une femme. Il est certain que moi, j'ai cette faiblesse de la reconnaître là, mais je suis quand même assez averti pour avoir fait remarquer qu'il n'y a pas de là. Ce qui coïncide avec mon expérience, à savoir que je ne reconnais pas toutes les femmes. Il n'y en a pas. Mais il faut tout de même bien dire que ça ne va pas de soi. Il n'y en a pas, sauf incestueux. C'est très exactement ça qu'a avancé Freud. Il n'y en a pas, sauf incestueux ou meurtrier. Je veux dire que ce que Freud a dit. C'est que le mythe d'Édipe désigne Zizi, la seule personne avec laquelle on a envie de coucher, c'est sa mère. Et pour le père, on le tue. C'est même d'autant plus probable qu'on ne sait ni qui sont votre père et votre mère. Hein. C'est exactement pour ça que le mythe d'Édipe a un sens. Il a tué quelqu'un qu'il ne connaissait pas et il a couché avec quelqu'un dont il n'avait aucune idée que c'était sa mère. C'est néanmoins comme ça que les choses se sont passées selon le mythe. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en somme, il n'y a de vrai que la castration. En tout cas, avec la castration, on est bien sûr d'y échapper, comme toute cette dite mythologie grecque nous le désigne bien, c'est à savoir que le père, c'est pas tellement du meurtre qu'il s'agit que de sa castration. Que la castration passe par le meurtre et que quant à la mère, le mieux qu'on ait à en faire, c'est de se le couper pour être bien sûr de ne pas commettre l'inceste. Ce que je voudrais, c'est vous donner la réfraction de ces vérités dans le sens. Il faudrait arriver à donner une idée d'une structure qui soit telle que ça incarnerait le sens d'une façon correcte. Contrairement à ce que on dit, il n'y a pas de vérité sur le réel. Puisque le réel se dessine comme excluant le sens. ce serait encore trop dire qu'il y a du réel. Parce que pour dire ceci, c'est quand même supposer un sens. Lui-même un sens, j'ai même dans son temps un petit peu joué là-dessus. Je veux dire que pour invoquer les choses, j'ai évoqué en écho le mot reus, qui, comme vous le savez, en latin veut dire coupable. On est plus ou moins coupable du réel. C'est bien en quoi d'ailleurs la psychanalyse est une chose sérieuse. Je veux dire que c'est pas absurde. De dire qu'elle peut glisser dans l'escroquerie. Il y a une chose qu'il faut noter au passage. C'est que, comme je l'ai fait remarquer la dernière fois à Pierre Souris, la dernière fois, je veux dire, dans son local même, à Jussieu, celui dont je vous ai parlé la dernière fois, je lui ai fait remarquer que le tort retournable dont il fait l'approche du nœud borroméen est quelque chose qui, pour le nœud en question, suppose qu'un seul tort est retourné. Non pas, bien sûr, qu'on puisse en retourner d'autres, mais alors ce n'est plus un nœud borroméen. Je vous ai donné une idée de ça par un petit dessin la dernière fois. Il n'est donc pas surprenant de dénoncer à propos de ce tort, de ce tort qui part d'un nœud borroméen triple, de ce tort, si vous le retournez, de qualifier ce qui est dans le tort du symbolique, de symboliquement réel. Le symboliquement réel n'est pas le réellement symbolique. Car le réellement symbolique, c'est le symbolique inclus dans le réel. Le symbolique inclus dans le réel a bel et bien un nom, ça s'appelle le mensonge. Au lieu que le réellement, le symboliquement réel, je veux dire ce qui du réel se connote à l'intérieur du symbolique, c'est ce qu'on appelle l'angoisse. Le symptôme est réel. C'est même la seule chose vraiment réelle. C'est-à-dire qui est un sens qui conserve un sens dans le réel. C'est bien pour ça que le psychanalyste peut, s'il a de la chance, intervenir symboliquement pour le dissoudre dans le réel. Alors, je vais quand même vous noter en passant, ce qui est symboliquement imaginaire. Eh bien, c'est la géométrie. Le fameux mos geometricus, dont on a fait tant d'états, c'est la géométrie des anges, c'est-à-dire quelque chose qui, malgré l'écriture, n'existe pas. J'ai autrefois beaucoup taquiné le révérend père Teilhard du Chardin, en lui faisant remarquer que s'il tenait tellement à l'écriture, il fallait qu'il reconnaisse que les anges, ça existait. Paradoxalement, le révérend père Teilhard du Chardin n'y croyait pas. Il croyait en l'homme, d'où son histoire de dominisation de la planète. Je vois pas pourquoi on croirait plus à l'hominisation de quoi que ce soit qu'à la géométrie. La géométrie concerne expressément les anges. Et pour le reste, c'est-à-dire pour la structure, ne règne qu'une chose, c'est ce que j'appelle l'inhibition. C'est une inhibition à laquelle je m'attaque. Je veux dire que je m'en soucie. Je me fais un tracas pour tout ce que je vous apporte ici comme structure. Un tracas qui est seulement lié au fait que la géométrie véritable n'est pas celle que l'on croit, celle qui relève de purs esprits, que celle qui a un corps. C'est ça que nous voulons dire quand nous parlons de structure. Et pour commencer à vous mettre ça noir sur blanc, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Quand on parle de structure, il s'agit de quelque chose comme ça. C'est à savoir d'un tore troué. Ça, je le dois à Pierre Souris. Je veux dire que c'est facile de compléter ce temps. Vous voyez bien que ici, c'est, si on peut dire, le bord, si on peut s'exprimer ainsi aussi proprement, le bord du trou qui est dans le temps, et que tout ça, c'est le corps du temps. Ce temps, il ne suffit pas de le dessiner ainsi. Car on s'aperçoit qu'à le trouver de ce temps, on fait en même temps un trou dans un autre temps. C'est le propre du temps. Car il est tout aussi légitime de dessiner ici le point et de faire un temps qui soit, si je puis dire, enchaîné avec celui-là. C'est bien en quoi on peut dire qu'à trouer un temps, on trouve en même temps un autre temps qui est celui qui a avec lui un rapport de chaîne. Alors, je vais essayer de figurer ce qu'on peut dessiner une structure. Donc vous voyez qu'à le dessiner en deux couleurs, je pense qu'il est suffisamment évident que ceci, à savoir le vert en question, est à l'intérieur du temps rouge. Mais que par contre, ici, vous pouvez voir, que le second temps est à l'extérieur, mais ça n'est pas un second temps, puisque ce dont il s'agit, c'est toujours de la même figure. Qui se démontre pouvoir glisser à l'intérieur qui glisse en tournant et qui réalise ce tort enchaîne avec le premier. Si extérieur tambour, qui le faisant tourner, va se trouver ici, représenté par sa propre glissade et nous pouvons dire de l'un et de l'autre, c'est que ce corps fait est très précisément ce qui est présent appeler le complémentaire de l'autre tort, c'est-à-dire le tort enchaîné. Mais supposez que ce soit le tort que nous fassions glisser ainsi. Ce que nous obtenons, c'est ceci. C'est quelque chose qui va se trouver inversement réalisé que quelque chose qui est vide se joue à quelque chose qui est vide, c'est à savoir que ce qui est là va apparaître là. Autrement dit, ce que je suppose par cette manipulation, c'est que moins que nous ayons deux choses concentriques, nous aurons au contraire deux choses qui jouent l'une sur l'autre. Et ce que je veux désigner par là, c'est quelque chose sur quoi on m'a interrogé quand j'ai parlé de paroles pleines et de paroles vides. Je l'éclaire maintenant. La parole pleine, c'est une parole pleine de sens. La parole qui n'a que de la signification. J'espère que Madame Kress-Rosen dont je vois toujours le sourire futé, et, ne voit pas à ça un trop grand inconvénient. Je veux dire par là, qu'une parole peut être à la fois pleine de sens. Elle est pleine de sens parce qu'elle part de cette publicité si dessinée. C'est parce que le mot a double sens qu'il est esteux. Que le mot sens est plein lui-même. Quand j'ai parlé de vérité, c'est au sens que je me réfère. Mais le propre de la poésie, quand elle rate, c'est justement de n'avoir qu'une signification, d'être pur nœud d'un mot avec un autre mot. Il n'en reste pas moins que la volonté de sens consiste à éliminer le double sens, ce qui ne se conçoit qu'à réaliser. C'est-à-dire à faire qu'il n'y ait qu'un sens, le vert recouvrant le rouge dans l'occasion. Comment le poète peut-il réaliser ce tour de force, de faire qu'un sens soit absent? C'est bien entendu en le remplaçant, ce sens absent, par ce que j'ai appelé la signification. La signification n'est pas du tout ce qu'un peuple croit, si je puis dire. La signification, c'est un mot vide. Autrement dit, c'est ce qui, à propos de Dante, s'exprime dans le qualificatif mis sur sa poésie, à savoir qu'elle soit amoureuse. L'amour n'est rien qu'une signification. C'est-à-dire qu'il est vide. Et on voit bien la façon dont Dante l'incarne, cette signification. Le désir a un sens. Mais l'amour tel que j'en ai déjà fait état dans mon séminaire sur l'éthique, tel que l'amour courtois le supporte, ça n'est qu'une signification. Voilà. Je me contenterai de vous dire ce que je vous ai dit aujourd'hui, puisqu'aussi bien, je ne vois pas pourquoi j'insisterai. Je vous fais remarquer que le prochain séminaire, puisqu'il y a les vacances de Pâques, le prochain séminaire sera le 19 avril. C'est tout au moins ce que vient de me dire ma dévouée secrétaire. Allô, séminaire du 19 mars.